trousseau dans la tourmente, sous un déluge qui le trempe. Je me balance de ci, de là, je me cours mais ne romps pas. Comme un beau diable contre cette société qui m'accable.